Michel Nicolaï. Un cadavre encombrant. Chapitre 1. Le train paquebot venant de Marseille entrait en gare, amenant les passagers du China Girl, courrier d'Extrême-Orient. Il s'immobilisa dans un dernier jet de vapeur. Les voyageurs, un peu ahuris par l'agitation de la gare parisienne, descendaient fébrilement sur le quai et réunissaient leurs bagages. Un jeune homme, en élégant manteau clair et casquette de voyage, restait calme dans toute cette hâte bruyante. Au premier coup d'œil, on reconnaissait en lui le globe-trotteur, habitué à de telles arrivées. Pendant que le train roulait encore, il avait fait signe à un porteur qui se tenait maintenant devant lui, attendant respectueusement. Son métier lui avait appris à distinguer parmi les voyageurs intéressants et il savait à merveille jouer la providence pour une provinciale inexpérimentée ou sembler perdre son temps avec un client qu'il devinait généreux. Lorsque le flot des arrivants se fut engagé vers la sortie, le jeune homme descendit d'un bond souple en sportsman accompli qui aime à constater sans cesse l'élasticité de ses muscles. Puis, allumant une cigarette, il donna l'ordre à son compagnon d'appeler un taxi. Une voiture vint se ranger devant lui, il y monta, casa ses deux valises en peau de porc, paya le porteur et jeta négligemment l'adresse. « Au Claridge !» Le chauffeur démarra. « Quelle chance » murmura-t-il. Il était arrivé très tard à la gare, ayant dû charger quelqu'un en route pour une petite course et n'espérait plus trouver de clients. Avant de conduire un taxi, Jacques Régnier avait mené la vie de fils de famille. Il avait passé brillamment son baccalauréat dans une ville de province, puis il était venu faire ses études à Paris. Études de quoi ? Au bout de 5 ans, il lui était difficile de donner des précisions à ce sujet. Et son oncle, seul parent qui lui resta, lui coupa les vivres. En attendant d'hériter de celui-ci, Jacques Régnier était devenu chauffeur. Il n'en souffrait pas trop, ayant gardé au moins une sorte d'indépendance qui lui était précieuse. Un embouteillage l'obligea à ralentir boulevard Diderot. Des coups de klaxon impatientés retentissaient autour de lui en un tel vacarme qu'il entendit à peine 2 coups secs qui claquèrent brusquement. « Tiens, pensa-t-il, il faudra que je signale au mécanicien du garage que mon moteur a dératé. » À ce moment, l'agent livra le passage et il n'eut plus d'autre souci que de se faufiler entre les voitures avec cette maîtrise acquise depuis peu et dont il était fier. Jacques stoppa devant un signal rouge. Avait-il entendu un appel, perçu un choc? Sans pouvoir bien le définir, il se retourna brusquement et regarda l'intérieur de la voiture. Il ne vit personne. « Ah ça, j'ai pourtant bien chargé quelqu'un !» Il fit glisser la glace de séparation et appela. « Hé, monsieur !» Il ne reçut pas de réponse. Inquiet, il alla se ranger devant le trottoir et descendit. Penché par la portière, il ne vit rien tout d'abord. Mais à la lueur des phares d'une voiture qui le croisait, il distingua une forme recroquevillée entre les valises et la banquette. Il s'est trouvé mal, pensa-t-il pour se rassurer. Mais l'angoisse qu'il avait saisie lui faisait pressentir quelque chose de plus grave. Sa main tremblait quand il tourna la poignée de la porte qui s'ouvrit comme sous l'action d'un ressort caché. Il recula épouvanté. La tête du jeune homme tombait lourdement au dehors. D'un trou en plein front s'échappait un filet de sang qui avait maculé la voiture et tombait maintenant goutte à goutte sur le marchepied brillant. Tout de suite, il comprit qu'il était mort. Jacques se rappelait soudain les 2 coups secs qu'il avait entendus et qu'il avait pris pour des ratés de son moteur. C'étaient des coups de feu. Il chercha un revolver, pensant d'abord à un suicide possible. Il n'y en avait pas. Son client avait été assassiné. Il frissonna. Tué, dans ma voiture, c'est un cadavre que je transportais là, derrière moi. Il était incapable de penser d'une façon cohérente, il ne voyait que le sanglant tableau, la tête atrocement pâle, les yeux grands ouverts qui semblaient le fixer et le liquide pourpre qui s'échappait du trou noirâtre. « Dites donc, vous ne savez pas qu'il est défendu de stationner ici ?» l'interpella une voix sans aménité. Un agent s'approchait. Jacques mit quelques secondes pour réaliser que c'était à lui que cette remarque s'adressait. Une peur panique le saisit. Il y avait un cadavre dans sa voiture et, dans quelques instants, le représentant de la force publique s'en apercevrait. Sans bien savoir ce qu'il faisait, il saisit la tête du mort et la repoussa à l'intérieur. Puis, pris d'une hâte fiévreuse, il s'élança sur le siège du taxi et démarra. L'agent le regarda faire avec étonnement. Machinalement, il nota le numéro de la voiture qui s'enfuyait dans le lointain. « Ce type n'avait pas l'air tout à fait normal, » songea-t-il. Le vent frais qui entrait par les vitres baissées rendit peu à peu à Jacques la maîtrise de ses nerfs. Il se rendait compte qu'il avait été ridiculement impressionné par le spectacle macabre et qu'il n'aurait pas dû se sauver à l'approche de l'agent. Maintenant, il lui fallait se rendre en toute hâte au plus proche poste de police et faire une franche déclaration. Dans sa fuite folle, il avait suivi n'importe quelle direction et il était tout étonné de se trouver maintenant rue de Sèvres. Il se rappelait qu'il y avait un commissariat rue de la Gaîté. Il prit donc le boulevard Montparnasse, décidé à se débarrasser de sa charge lugubre. Au coin de l'avenue du Maine, il ralentit. D'avance, il imaginait les questions qu'on allait lui poser. Comment expliquerait-il sa présence dans un quartier aussi éloigné de la gare de Lyon et des Champs-Élysées? De plus, trois quarts d'heure s'étaient écoulés depuis la venue du train de Marseille. Il était maintenant 8 heures. Le train était arrivé à 7h10. Enfin, il serait doublement suspect si l'on apprenait qu'il avait fui devant un sergent de ville. La peur le reprit. Brusquement, il donna un coup de volant et s'engagea sur la droite par le boulevard de Vaugirard. Il voulait réfléchir encore, se ressaisir. Tout près de là, dans une rue sombre et déserte, il connaissait un petit bistrot. Il y entra, but un cognac. Au brûlant contact du liquide, il se sentit ragaillardi. Il se remémora les événements dès le début avec une extraordinaire lucidité. Oui, il avait agi stupidement. Quand l'agent s'était approché, il aurait dû rester, lui expliquer les choses. Tout serait déjà fini. Maintenant, son affolement le rendait irrémédiablement suspect. Il n'éviterait pas les soupçons de la police, une enquête très serrée, et certainement, il perdrait sa place. Les journalistes se mêlant de l'affaire, il connaîtrait une publicité fort désagréable qui n'irait pas sans impressionner son vieil oncle. Mais s'il faisait disparaître le corps et toute trace du meurtre, qui saurait jamais quelque chose de toute cette lugubre affaire? Son client, du bateau, avait pris aussitôt le train, personne ne l'attendait sur le quai. Avec le temps, on s'apercevrait bien de sa disparition, mais qui pourrait dire alors quand et où il avait été vu pour la dernière fois? Le porteur se rappellerait peut-être son élégant client, mais il n'avait même pas regardé le chauffeur du taxi. Quant à l'agent, il avait sans nul doute mis sa fuite précipitée sur le compte de la peur d'une contravention. La décision de Jacques était prise. Il ferait disparaître le cadavre, de façon qu'il ne soit pas retrouvé avant un temps assez long, ceci rendrait difficile, sinon impossible, son identification et permettrait d'oublier tous les incidents qui avaient entouré ce meurtre. Il jeta une pièce sur le comptoir. À ce moment, il entendit corner la trompe de sa voiture. Une angoisse atroce le baigna. Il se jeta dehors comme un fou et trouva devant son taxi une jeune femme qui semblait impatientée. « Vite, chauffeur » dit-elle en le voyant s'approcher. « Je suis pressée !»« Pas libre !» fit Jacques d'une voix brève. « Tant pis, je paierai ce que vous avez au compteur !» Tout en disant ceci, elle s'approchait de la portière fatale. D'un bond, il se plaça entre elle et la voiture. « Impossible, vous dis-je » Quelque chose, dans sa voix, dans son visage contracté, la fit reculer, effrayée. « Je rentre au garage, » expliqua Jacques en montant sur le siège. Elle n'insista pas. Il partit à toute allure, droit devant lui, comme s'il était poursuivi par des ennemis dangereux. Mais la fatalité avait pris place à ses côtés.